heb zijn ontmoet. Moi zeer nu. Fascina, ou Tseina, une limon, zir, nu, t'es bon, me. Ici, on ne va pas télé. C'est pas un zerbin motélé. Allez, c'est revenu, c'est si, c'est mal.